Le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et en début d'émission, je vous parlais que Danny Boudreau s'est joint à Jocelyne Baribeault pour former le duo Beau Séjour. Et je vous invite encore une fois sur ma page Facebook à aller voir des photos et surtout un extrait live d'environ 15-20 secondes. Et ça vous donne une petite idée des deux voix ensemble. C'est vraiment magnifique. Donc, on va justement l'écouter. Madame Jocelyne Baribeault de Winnipeg, la région Winnipeg, au Manitoba. C'est Colinda, c'est comme une suite à la chanson Colinda qu'on connaît, une chanson plus country là, des années 70, je ne me trompe pas. Donc, Colinda, vraiment très belle chanson écrite par Jocelyne Baribeault. Si vous aimez un peu le country, vous allez adorer ça. Par la suite, on va entendre Johnny Cash de Alexis Normand de la Saskatchewan. Johnny Cash est tiré d'un album éponyme qu'elle a sorti il y a déjà presque un an et demi, je pense. Et là aussi, très belle musique, très bel univers. Ça a été réalisé par Marc Pérus. Donc, vraiment, Alexis Normand nous propose quelque chose de merveilleux. Et j'ai décidé de me faire plaisir et sûrement vous faire plaisir. Crystal Plamondon s'en vient, c'est tiré de son album « Une chanson, une prière ». C'est une chanson qu'elle a écrite pour ses parents. Écoutez le texte est merveilleux. Et la musique, c'est du country 70, là, mais très accrocheur, très intéressant, qui nous fait l'impression d'une balade en chevaux. Donc, ça s'en vient, Crystal Plamondon. Et pour l'instant, voici Colinda, Jocelyne Baribeault. Colinda, tu es la plus belle fille de tous les cantons. Et tous les gars de la région veulent te courtiser. C'est très gentil, monsieur, tu as peut-être raison. Il y a quelque chose entre nous deux, mais je n'ose pas faire ça. Même si ma mère n'est pas là. Allons danser, Colinda, danser, coller, Colinda. Et pendant ta mère n'est pas là, laisse-toi aller, Colinda. Mais j'ai trop peur de qui je suis, peur de mes envies. N'as-tu pas peur de qui tu es quand tu te laisses aller? La région veut te courtiser. C'est très gentil, monsieur, tu as peut-être raison. Il y a quelque chose entre nous deux, mais je n'ose pas faire ça. Même si ma mère n'est pas là. Allons danser, Colinda, danser, coller. Mais j'ai trop peur des conséquences de perdre la cadence. N'as-tu pas peur de te retrouver si tu te laisses aller? Oh, si seulement je pouvais danser sans peur ni crainte de tomber. Mais j'ai beau coller, Colinda. Pendant ta mère n'est pas là, laisse-toi aller, Colinda. Allons danser, Colinda, danser, coller, Colinda. Pendant ta mère n'est pas là, laisse-toi aller, Colinda. j'ai trop peur de faire juger. Je me laisse aller, pourtant je me jette sur la scène pour me faire juger quand même. Laisse-toi aller pour enfin danser. Laisse-toi aller pour enfin danser. Que tu dors. J'avance lentement sans faire de bruit dans le corridor. J'ignore si t'es caché, rien n'est allumé sauf le tourne-disque, passage à vos rêves. Je trouve ça un peu trop tranquille, le plancher craque. Je me sens comme dans un champ de mine avant l'attaque. Si tu es dans mon dos, fais-moi pas faire le saut. Pas besoin de me boucher les yeux. Je compterai pas jusqu'à 10. Le temps défile trop vite. De toute façon, il reste rien que nous deux. Et j'entends Johnny Cash qui tourne en rond dans ton salon. Et j'entends Johnny Cash qui tourne en rond dans ton salon. Et j'entends Johnny Cash qui tourne en rond dans ton salon. Oh, dis-moi, aurais-tu toi aussi de mauvaises intentions? Les spirales croisent parfois l'amour et se défont. Encore 33 petits tours et puissants. On ne peut s'expliquer ni le pourquoi ni le comment. Chaque fois qu'on se frôle, c'est le feu qui prend. Et j'entends Johnny Cash qui tourne en rond dans ton salon. Et j'entends Johnny Cash qui tourne en rond dans ton salon. Et j'entends Johnny Cash qui tourne en rond dans ton salon. Oh, dis-moi, aurais-tu toi aussi de mauvaises intentions? Quand t'aimes ton homme comme un héros,

Après ça, elle nous présente la chanson finie. Donc, assez intéressant. J'ai hâte de voir ça. Donc, Annick Granger, ça s'en vient. Le ruban de la cassette. Par la suite, on va entendre Mireille Moquin, qui était en France, du côté de l'Europe, tout récemment. Enfin, aller faire quelques spectacles. Est-ce qu'elle prépare un nouvel album francophone? On va mettre un homme là-dessus. Eh oui, à savoir qu'est-ce qui se passe. On va entendre « Drôle de monsieur » tiré de son album « Au revoir, princesse » qui date de moins 4-5 ans, si c'est pas plus. Et on va terminer ça avec un beau souvenir de Ariane Marie Clemire. « C'est instantané » tiré de son album « Double ». Encore, double entente, pardon. Et c'est vraiment une très belle chanson, très rythmée, très légère. C'est vraiment bien fait. Ça s'appelle « C'est instantané ». Ariane Marie Clemire qui a sorti, il y a peut-être un an, son album « Je deviens le loup ». Mais pour l'instant, voici le ruban de la cassette, Annick Granger. L'asphalte nous rejette, qu'on interpelle la gravelle. Quand le béton nous tire non, on roule et les rangs durent des kilomètres. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Il faut dérouler la fenêtre. Pourra craquer la chaufferette quand la buée va disparaître avec elle les empreintes que j'y ai faites jusqu'à casser le ruban de la cassette. Et on racontera des histoires, celles qui ne sortent que dans le noir avec. Sans raison de plus ce soir qu'un tas de ferraille et un plein réservoir. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Que nos contes s'entremêlent et fassent après une épopée. Un toit toujours sur la tête et des oreilles pour s'écouter. Le soleil encore se lève, qu'on ne prenne pour acquis cette fête et qu'encore on s'entête à s'aimer jusqu'à casser le ruban de la cassette. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Je ne dis rien. par ses tours de magie, peut-être un de trop. Drôle de monsieur, dans son lit, me chuchote des mélodies dont il s'ennuie. Trois bouteilles de vin et un cigare, le temps achève, il se fait tard. Quelques heures d'avion et un mal de cœur m'attendent. Reste dans ma tête ce drôle de monsieur, le premier à embrasser mes yeux, et résonne encore ces petits mots d'adieu. Au revoir, princesse. Au revoir, glisser à jamais au fond de mon tiroir. Juste le claquement du clavier, la PC de l'ordi parler, une touche et le message est envoyé. Rien à faire, rien à reprendre, c'est instantané. Je m'ennuie du papier, de la séduction du stylo, de voir paraître les patrons d'encre quand la feuille laisse faire la plume qui s'abandonne à ses avants. Je m'ennuie des petits gribouillis dans les marges, des pattes de mouche qui me chantent l'amour, du battement accéléré, du battement accéléré en voyant arriver le courrier. Envoûtement, en vous, foudroiement, plus de pages, plus de pages, plus d'images, trace d'efface, tache de larmes, toute une histoire sans raconter. Maintenant, reste juste le claquement mécanique, plastique, du clavier. Rien à faire, rien à reprendre, c'est instantané. Petite chansonnette très intéressante, c'est instantané. Moi, ça m'amène un sourire, ça me donne le goût de danser, taper du pied, c'est vraiment bien fait. Tiré de son album Double Entendre, Ariane Marie Clemire d'Edmonton, qui, je pense, demeure maintenant peut-être au Québec, mais quand même, c'est une artiste de l'Ouest canadien qui a fait de très bons produits, dont son album Je deviens le loup, un an et demi à peu près que c'est sorti cette affaire-là, et c'est vraiment très intéressant. Écoutez, là-dessus se termine l'émission d'aujourd'hui. J'espère que le choix musical vous a plu.